Au sport, pour le 22 novembre. Hockey mineur dans la Ligue simple lettre Offord-Saint-François. L'équipe novice A des Sharks du Haut-Saint-François visite Club Piscine Sherbrooke à Rock Forest à 11h45. L'équipe novice B affronte Tumel au Centre sportif de Lac-Mégantic à 15h30. L'équipe Atombe B reçoit les cantonniers 1 de Magog à Istengis à 15h. L'équipe Peewee B accueille Quaticook à 16h15. L'équipe Bantam A est aussi à domicile pour affronter Club Piscine Sherbrooke 2 à 17h30. L'équipe Midget A se mesure à Hockey Expert Sherbrooke à 19h30 au Palais des Sports. L'équipe Midget B reçoit l'équipe de Quaticook à 19h à l'Aréna Robert Fournier. Pour le 23 novembre. Au hockey mineur, dans la Ligue simple lettre Offord-Saint-François. L'équipe novice B des Sharks du Haut-Saint-François reçoit Frontalier 2 de Quaticook à Istengis à 13h30.